Today, the last evening of this course, I'd like to speak about the qualities of a good spiritual friend. If we rely on an unsuitable teacher, then we suffer greatly. And so in a time when we have many, many teachers of meditation available, many, many teachers of mindfulness and other varieties of spiritual work, it's very important to choose someone who is reliable as a guide. Because if we rely on a good friend, and if the teacher teaches, and if we ourselves listen to the teaching, then we can gain the peace of Nibbana in this life. Alors aujourd'hui, c'est la dernière soirée et j'aimerais parler de l'ami spirituel, du bon ami spirituel. Si on s'appuie sur un mauvais ami, sur un mauvais professeur, un professeur qui n'est pas approprié, on peut souffrir grandement. À une époque où il y a beaucoup de professeurs de méditation, de mindfulness, qu'il y a toute une variété de pratiques spirituelles disponibles, il est important de trouver un guide qui soit fiable. Si le guide nous enseigne la pratique et qu'on l'écoute, on peut gagner la paix du Nibbana dans cette vie même. À quoi ressemble un bon professeur? Quelles qualités devrait-il idéalement posséder? Le Bouddha a dit en bref qu'une personne perspicace devait d'abord être établi dans l'enseignement, à la fois en ce qui concerne la moralité, en ce qui concerne la concentration et en ce qui concerne la compréhension. Elle devait d'abord s'établir elle-même dans la pratique, dans l'enseignement, avant d'essayer de développer celui-ci chez les autres. S'il en est ainsi, cette personne sera à l'abri des critiques. On ne dira pas d'elle que c'est une personne qui dit quelque chose et qui fait autre chose. Elle sera cohérente. Alors si là, donc, c'est la moralité, et ça signifie ne pas faire de choses mauvaises et ne pas dire de choses mauvaises. Ne pas transgresser, contrôler son comportement physique et verbal, contrôler ses actions et ses paroles. Éviter de blesser les autres, de leur causer du tort. Et ceci émane d'un sentiment de compassion, de considération pour le bien-être des autres, la capacité de se mettre à la place des autres. Une personne qui a développé la moralité va regarder ce qui rend les autres heureux et elle va donner la priorité au bien-être d'autrui. Une personne égoïste, par contre, sera incapable de se rendre compte de ce qui cause du tort à autrui. Quelqu'un qui a fort développé ses qualités ne pourra pas supporter de voir les autres dans un état pitoyable ou misérable. Il ne le supportera pas. Vouloir que les autres soient heureux, ce sont des qualités qui se développent chez quelqu'un qui observe la moralité, qui observe Sila. Donc c'est en ça que consiste Sila seulement, donc souhaiter le bien-être des autres et contrôler son comportement physique et verbal. Cela suffit, en fait, comme fondement pour faire un guide qui soit approprié, qui soit convenable. Une telle personne est capable d'aider les yogis à développer la paix de l'esprit. Posez-vous seulement la question, comment est-ce que vous ressentiriez face à quelqu'un qui évite de nuire à autrui, quelqu'un qui a des pensées bienveillantes, qui cherche à développer le bien-être d'autrui, eh bien, évidemment, vous ressentiriez de l'amitié pour une telle personne. Le type de sentiment qu'on développe à l'égard de telle personne morale est appelé en pali piya. Donc c'est le type d'affection qu'on développe pour des personnes qui observent les préceptes et qui adoptent un comportement moral. Ce comportement moral, en fait, émane du souhait de voir les autres heureux. C'est en vertu de ce souhait qu'une personne observe la moralité, observe les préceptes, observe Sila. Et c'est la première qualité qu'on attend d'un bon ami spirituel. C'est très important. La seconde qualité de l'ami spirituel, c'est d'être digne de respect. En pali, ça s'appelle garu. Et cette qualité suit naturellement la première, vient dans le sillage de la première. Observer les préceptes, vouloir le bien et souhaiter supprimer la souffrance qu'on voit chez les autres, c'est la première qualité. Et celle-ci, la deuxième qualité, vient dans son sillage, la suit naturellement. L'ami spirituel devrait aussi disposer de cette qualité. Alors, avec ces deux qualités, donc, d'être apprécié, d'être cher aux autres du fait de sa moralité, et le fait d'être digne de respect du fait de son comportement physique et verbal toujours poli, eh bien, cette personne va recevoir en retour la bienveillance des autres. Et ça, c'est la troisième qualité donc qui est attendue de l'ami spirituel, donc d'être le réceptacle de la bienveillance des autres. Ces trois qualités, d'être apprécié, d'être digne de respect et d'être l'objet de la bienveillance des autres, ces trois qualités seules ne suffisent pas à faire un guide spirituel. Si cette personne qui possède ces trois qualités ne dit jamais aux autres leur tort, ou ne leur dit pas non plus ce qu'ils font de bien afin de les renforcer dans le bien, cette personne ne peut être un guide spirituel. Si elle le fait, par contre, c'est une qualité, et cette qualité, c'est la quatrième qui est attendue d'un guide spirituel. En pali, on appelle ça vata, V-A-D-T-A. Donc, il est capable de montrer ce qui est bénéfique aux autres. Donc, si on possède les qualités morales et le comportement correct, à la fois pour les actions physiques et verbales, on voit le comportement inapproprié chez les autres. Et à ce moment-là, il ne serait pas responsable de ne pas le dire. Ça relève de la responsabilité d'une telle personne de le faire remarquer aux autres, si leur comportement est inapproprié. C'est important d'avoir cette qualité. Certaines personnes, donc, ont ces quatre premières qualités, ils ont un bon comportement physique et verbal, ils ont de la compassion, ils ont de la bienveillance à l'égard des autres, ils sont capables aussi de dire aux autres leurs manquements, mais par contre, ils ne sont pas capables de recevoir les critiques ou les avertissements. Quelqu'un qui serait capable d'accepter les critiques, de les endurer avec patience, serait doué d'une qualité qu'on appelle en pali vachana kama. Certaines personnes, lorsque ils sont critiqués et que par exemple la critique provient de quelqu'un de plus jeune ou de quelqu'un d'inexpérimenté, ils n'aiment pas cela et ils ne sont pas capables de l'accepter. Ils se disent « il ne sait pas autant que moi », mais en fait c'est l'orgueil qui les empêche d'accepter cette critique. Donc il faut au contraire être patient. Et quand les autres voient nos manquements, il faut pouvoir le supporter. La qualité suivante dont doit disposer le bon ami spirituel, c'est qu'il doit être capable d'expliquer le Dhamma profond. Et le Dhamma profond, c'est d'abord les quatre nobles vérités, la chaîne des origines interdépendantes, le Paticca-samuppada, et la pratique du Satipatthana Sutta, qui fait partie en fait des facteurs d'illumination dans l'enseignement. Voilà, donc un tel guide devrait être capable d'expliquer cela, et pour pouvoir l'expliquer, il doit d'abord en avoir une connaissance théorique, il doit d'abord l'étudier. Et en pali, on appelle ça Sutta Mayanyana. Et ensuite, il faut que cet ami spirituel donc pratique le Dhamma, obtiennent une connaissance pratique de l'enseignement. En pali, ça s'appelle Bhavana Mayanyana. Et c'est seulement lorsqu'il combine à la fois la théorie et la pratique qu'il sera capable d'expliquer l'enseignement d'une manière réaliste. C'est une qualité qui est fort nécessaire. La dernière qualité dont doit disposer le bon ami spirituel, c'est qu'il ne doit pas utiliser, exploiter ses étudiants, ses élèves, pour son propre bénéfice. Il ne doit pas lui dire de faire quelque chose, de dire quelque chose, ou même de planifier quelque chose qui n'est pas convenable, qui n'est pas approprié pour lui-même. Il ne doit l'encourager à faire que des choses qui sont pures et au-delà du reproche. Si une personne possède ces sept qualités, elle convient pour enseigner le Satipatthana. Et ces sept qualités donc ont été en fait dites par le Bouddha lui-même. La raison pour laquelle je vous parle de tout cela, c'est que vous pouvez voir le type de problème qui peut survenir quand les guides ne possèdent pas ces qualités. On peut voir en ayant lu cette liste de cette qualité, les problèmes qui peuvent survenir. Par exemple, la dernière qualité, si le professeur commence à utiliser les étudiants pour son propre profit, ou alors la quatrième, lorsqu'il ne pointe pas du doigt les manquements chez ses élèves parce que, par exemple, il a peur de les perdre. Et donc, lorsque vous avez affaire à un guide, essayez de voir dans quelle mesure il possède ses qualités. Et s'il ne les possède pas, il faut peut-être aller voir ailleurs. Il est bien donc d'être prudent lorsqu'on approche un guide spirituel parce que une fois qu'on l'a approché, il peut être difficile de le quitter éventuellement. Et dans les Écritures, le Bouddha donne un bon exemple de cette prudence. Alors je vais juste donner un exemple des Écritures. Il y avait du temps du Bouddha un professeur brahmine célèbre qui avait entendu parler du Bouddha et qui se demandait, qui était curieux de savoir si le Bouddha possédait les marques du Bouddha, parce que lui-même avait des textes qu'il avait étudiés qui faisaient référence à des marques chez les Bouddhas. Et donc, il aurait aimé savoir si le Bouddha en était réellement un. Alors, bien qu'il fût intéressé à le savoir, il a été prudent et il a, plutôt que d'aller lui-même voir le Bouddha, il a envoyé son principal élève, parce que si l'élève était coincé ou avait des problèmes, lui pouvait toujours aller le rechercher. Par contre, si lui-même y allait, qui aurait pu aller le rechercher? Il est très important de posséder ces qualités, que vous soyez professeur ou non d'ailleurs. Quelle que soit votre occupation dans la vie, quelle que soit votre situation personnelle, que vous soyez chef de famille ou bien chef de compagnie ou bien leader politique, il est important de posséder ces qualités. Et autrefois, quelqu'un avait demandé à Sayadaw ou Pandita quelles étaient les qualités qu'on pouvait attendre d'un bon leader. Et celui-ci avait répondu que pour connaître les qualités d'un bon leader, il fallait se référer aux qualités de l'ami spirituel. La seule chose qu'il omettait, alors, c'était la partie sur l'explication du Dhamma profond. Connaître les qualités d'un bon ami spirituel, d'un bon guide, c'est important non seulement pour les identifier chez votre instructeur, mais aussi si jamais vous-même vous voulez développer ces qualités en vous pour éventuellement prendre le leadership quelque part, ou bien si vous voulez évaluer les qualités de votre patron ou de votre mentor, etc. Mais cela prend du temps d'évaluer ces qualités, d'évaluer le caractère d'une personne. Donc, il faut y consacrer du temps. Si quelqu'un possède ces sept qualités, il va naturellement souhaiter le bien-être des autres, parce que ces qualités sont totalement développées chez lui. Dès lors, il sait qu'est-ce qui est bien non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres, pour le sasana, comme on dit en pali, c'est-à-dire pour l'enseignement du Bouddha en général dans le monde. Il va vouloir que les gens qui sont dans son entourage progressent sur la voie spirituelle, qu'ils améliorent leurs actions physiques, verbales, et aussi qu'ils purifient leur esprit, qu'ils se débarrassent de l'attachement qui les enchaîne éventuellement, et qu'ils obtiennent la paix de l'esprit. Donc il va vouloir tout ça naturellement. En pali, ça s'appelle Anukampa, pardon. Donc Anukampa, ça veut dire quelqu'un qui va dans la bonne direction, parce que du fait de sa compassion et de sa bienveillance. Et un bon exemple de ceci, c'est ce centre qui offre un environnement favorable à la méditation. C'est dû au fait que les gens qui sont responsables de ce centre ont eux-mêmes pratiqué et donc savent qu'est-ce qui est approprié pour le développement des yogis, à la fois pour qu'ils sachent ce que c'est que la moralité, pour qu'ils puissent développer leur concentration et leur connaissance. Donc Anukampa, on traduit ça par compassion, mais en réalité, ça veut dire le mouvement de l'esprit approprié. Lorsqu'on s'associe à de telles personnes, donc aux amis spirituels, on progresse jour après jour spirituellement, et il est impossible qu'on décline lorsqu'on s'associe à de telles personnes. Personnellement, j'aimerais exprimer ma reconnaissance pour avoir eu l'opportunité de partager le Dhamma. Presque tout ce que j'ai dit provient de mon professeur Sayadaw Upandita. Presque tout avait été dit par lui. Sa compréhension était enracinée dans la connaissance à la fois théorique et pratique de l'enseignement. Je veux dire simplement que cet entraînement de Sila Samadhi Panya, la moralité, la concentration et la sagesse, est très bénéfique parce qu'il nous amène à devenir de véritables êtres humains. Le développement de la concentration développe notre esprit d'une façon très humaine. On ne donne plus jamais libre cours ni à la colère, ni à l'avidité. Et la connaissance qu'on développe par cette pratique de vipassana est très spéciale, très particulière. Tout cela peut bénéficier à notre entourage, à notre famille ou à notre collègue. J'ai beaucoup de gens qui me disent à quel point ils sont appréciés par leur entourage au travail parce qu'ils parviennent à maintenir leur calme dans toutes sortes de situations. Et du fait aussi qu'ils ont développé metta, qu'ils ont développé la bienveillance à l'égard de leurs collègues et que ça s'en ressent sur leur lieu de travail. Alors si j'ai pu faire une erreur, dire quelque chose d'erroné, c'est entièrement de ma faute, ce n'est pas ni celle de mes professeurs ni celle du centre. I hope that all of you will continue to practice Sila, Samadhi, and Panya until you develop the highest knowledge and reach the highest peace. That's all for today. Sam, Sam, Sam, Sam.